yeah. I like you better than whore. Motema nanga na maboko ya chérie, mokolo yo revoir, ebo ya komanda pepo. Nasengi palato na kombo ya masia, sima nangai, botala niese na miso. Je renais, chérie, je renais, chaque jour par ton amour, chaque jour par ton amour. Oh, oh, oh, oh, Maria na bien aimé. Mariana bien aimée, Mariana bien aimée. I like you better than her, Marianne. Oyangai Mariana, wana asa koti kalangai na kebo. Nazoto azali kitoko mingi, mwana mokere, oya mama. Nakati ya motema azali pembe, ayepi denge basala kama beteo. Bizoli na miseko manga ebali, soki sangonai ya mabeye nga. Motema nangai na maboko ya sherie, mokolo yo revoir, ebo ya komanda pepo. Nasengi palato na kombo ya masia, sima nangai, botala niese na miso. Je renais, chérie, je renais, chaque jour par ton amour, chaque jour par ton amour. Oh, oh, oh, oh, oh, Maria n'a bien aimé, Maria n'a bien aimé. Maria n'a bien aimé. Oh, oh, oh, chérie, Maria n'a bien aimé. Motembe, tondi meke na l'amour. Sosa mobali, devisa ngaya ya mongongo. Na eme la chérie na ngayi likolo. Miza to ebele na butu na likolo. Moko to eko kanina ya na kitoko. Popo lipo, linda na biso moko. Mete la Maria na ye bato linda ye boye. Je renais, chérie, je renais, chaque jour par ton amour, chaque jour par ton amour. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Maria n'a bien aimé, Maria n'a bien aimé, Maria n'a bien aimé. Mon petit bébé, Maria n'a bien aimé, Maria n'a bien aimé. Ote maman soki, ote maman gondie, mekena l'amour, mekena l'amour, ma priana, mekena l'amour, ma bela chérie, mekena l'amour, ma bien aimée, mekena l'amour, papa we ma bire, mekena l'amour, olomide, mekena l'amour. Mekena l'amour na lela Johnny Kouyere. Mekena l'amour na lela Mimi Moke. Mekena l'amour Kayoni. Mekena l'amour Kaembe Emere. Mekena l'amour Mariana. Mekena l'amour. Mekena l'amour. Awa! Ah! makasi teo, kasi makasi teo, kasi makasi te. Ade, ade, Silva, ade, ade, ade. What? Chérie, Ariane bien-aimée, vous t'aimez, ton dîme qu'est dans l'amour. Sosa mobali, et fils en gaïa, y'a mon bonbon, n'a aimé la chérie, n'a gaï l'icolo. Miza tu es belle na butu na likolo, makote kokani na ya na kitoko. Popali po, mindanda disa moko, mete la Maria na eba to linga eboe. Je renais, chérie, je renais, chaque jour par ton amour, chaque jour par ton amour. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Maria ne viene ne. Maria ne viene ne. Maria ne viene ne. Oh, oh, oh, oh, oh.